C'est la chronique des casseurs de Dolbeau. La semaine passée, on n'a pas été capable de se parler, mais on se reprend cette semaine avec l'instructeur-chef Daniel Tremblay. Salut Daniel! Salut Daniel, ça va très très bien. Daniel, les castors, classement pas que les gens disent qu'ils suivent pas ça, puis faut pas se fier là-dessus. Mais il reste quand même que j'ai sorti hier le classement POC et les castors 12e au niveau provincial. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Écoute, oui, je crois que ça fait effectivement un petit bout qu'on n'a pas vu ça. Il faut juste garder le cap sur la tâche et le respect des consignes. Puis c'est la seule façon qu'on peut réussir à reconnaître. Votre force, c'est vraiment la vitesse. Vous avez une bonne équipe rapide. Hein. Est-ce que la nouvelle réglementation vous avantage? Non, je crois pas, parce qu'on a quand même aussi des gros joueurs. Okay. Oui, on est une équipe très rapide, mais on a quand même aussi des gros joueurs. Au niveau du physique. Puis s'il y aurait du contact, tous ces jeunes-là ont tous, à l'exception de un, ont tous déjà joué dans le contact. Okay. Donc, je crois pas qu'il y aurait de différence. Okay. Donc, ça s'est soldé par le premier match vendredi soir, 3-2, très serré contre les ambassadeurs de Chougamau. J'ai fait l'entrevue avec Michael Godreau. Il me disait que ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Quand tu fais 3-2 à la fin en prolongation, c'est sûr que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Ben, c'est un fait, sauf que, on a joué la moitié du match, donc on a eu le résultat qu'on a là, parce que normalement, ça aurait dû être une victoire plus facile que ça, parce que en première période, on a sorti extrêmement fort. Chibougamau n'a à peu près pas touché à la rondelle. En deuxième période, on s'est assis sur notre talent, puis la première moitié de la troisième période également. On s'est rendu égalité 2-2, puis on est allé en prolongation, puis on a gagné en prolongation. Et l'autre match, défaite cette fois de 3-2 contre les Saguenay de Chicoutimi. Ben, exactement. Vois-tu, on a joué un peu la même pattern que je viens de t'expliquer là. C'est comme les jeunes ont commencé à se trouver bons. Ah. Ça, c'est très dangereux. Quand tu connais beaucoup de succès, que tu n'es pas habitué de connaître du succès, à un moment donné, ça devient très dangereux. Fait que c'est un peu ce qui est arrivé, malgré les avertissements qu'on avait faits, malgré la préparation qu'on avait faite. Donc, on a tiré du retard 2-0 dans cette partie-là jusqu'en début troisième période. Mm. Puis, en troisième période, 19-4 est lancé au but pour nous autres. Donc, on a égalisé 2-2. Il n'y a pas eu de mètre en prolongation. Puis, au huitième tir de fusillade de chacun des côtés. On a finalement perdu 3-2 en 8e. Le 3 contre 3 marche pas encore, hein? Non, pas dans le calibre du jet 2B, ça marche pas encore. Et maintenant, donc, en fin de semaine, un seul match encore. En fin de semaine, ça va faire du bien contre les Orioles de Jonquière. Exactement, un seul match samedi soir à Jonquière. Donc ça devrait être un match très intéressant parce que c'est la seule équipe jusqu'à maintenant qui nous a battu en temps réglementaire et qui nous avait coûté plusieurs suspensions d'ailleurs. Donc les joueurs vont être assurément prêts pour la revanche. On se parle la semaine prochaine, Daniel. Bon problème, Danny. Merci. Voilà, je vais toucher des cassons debout, Daniel Tremblay.